Toujours à la même occasion, le président du Conseil suprême du nouveau Parti socialiste roumain a présenté le 1er septembre, dans la homepage d'Internet, un article titré « Fondateur de la République populaire d'Ingati de Corée », alors que le directeur général de la maison d'édition Mititalmo de Myanmar a publié le décorant un entretien.